promène tout en tatouage. J'avoue les vies j'aime, les vies traînent. T'as une vie de chienne, comprends dans mes yens. Y'a pas de wesh, je saigne. J'saigne des blings dans le vent, des crimes dans le ventre. Je trine dans les temps, une bambasse dans la tempe. Les cassos dans la tente, c'est ventre ma thune. J'ai vanté vite moi, je démonte puis je démonte. J'ai mon stylo, pas besoin de steno. J'ai mon sirop de méthadone rose. J'ai des kilos, t'as du kilo. Moi je vise haut, oh, c'est de la bonne dope. J'ai mon stylo, pas besoin de steno. Moi j'ai mon sirop de méthadone rose. J'ai des kilos, t'as du kilo. Moi je vise haut, oh, c'est de la bonne dope. J'ai le pic atypique dans les fingers. J'ai les sticks hydroponiques chez les dealers. Passe le kick et le beat dans chez les ballers. À l'heure, quoi que tu tripes chez les hustlers. Tête droite, lève-toi, vas-y, suis-moi. Au centre, à gauche, à droite, je suis là. Casquette, baggy, basket, whisky, coca. Fuck that, négro, je vise oh. Baby, fuck, tu bouges, faut que tu groupes. Change la piste, semi rouge, et porte, je t'ouvre. Tu me trouves, une tuerie, je couvre. Les homies, je couvre, ramène ton style, ta grand-mère. Ramène-la au loup. Top, laisse-moi rentrer dans le poral. Fuck, ramène un 45 dans les chorales. Crise à l'oral, attrape-moi, mais tu ne mourras pas. Si c'est pour faire de la dope, poteau rabat. J'ai mon stylo, pas besoin de steno. J'ai mon sirop de méthadone rose. J'ai des kilos, toi tu kilo. Moi je vise haut, oh, c'est de la bonne dope. J'ai mon stylo, pas besoin de steno. Moi j'ai mon sirop de méthadone rose. J'ai des kilos, toi tu kilo. Moi je vise haut, oh, c'est de la bonne dope. La tête dans les rimes, c'est pas un film. Je te prends dans mes bras, terrible, tu deviens infirme. Lady, ton corps contre le mien. Je t'attends, viens, je te donne mon flot de rien. On va où ça te convient. Je m'avance là, dans ça, même en vacances là. Je suis là quand ça va pas et ça passe pas. Change de piste, mets-moi là. Si ça tape, on s'abat là. Mais pas de baguette trop large à la Zapata. Négas à papetin, typique change de scrutin. Osculte, osculte, osculte, un. Tu murges, moi je bute, un. Avant de prendre le butin, c'est mon butin, sois pas prudent. Tu harcèles Lupin, ma petite putain. Dans les drive-by, au drive-in, je graille. La vie part en radical, je baille, je braille. Je fais un freestyle, les MC style m'assista. Je fais mon travail, je te dis bye bye. J'ai mon stylo, pas besoin de steno. J'ai mon sirop de méthadone rose. J'ai des kilos, toi tu kilo. Moi je vise haut, oh, c'est de la bonne dope. J'ai mon stylo, pas besoin de steno. Moi j'ai mon sirop de méthadone rose. J'ai des kilos, toi tu kilo. Moi je vise haut, oh, c'est de la bonne dope. Je traumatise, je mettrai du poisson sur mes lèvres pour te faire la bise. Tape-toi la crise épileptique, j'ai la mise. Crois pas que je m'amuse ou bien que cela me grise.